Bonjour et merci d'être avec nous et bienvenue à cette édition de ce dimanche le 19 novembre 2017 dont voici d'abord la charpente. Pierre Nkurunziza, le président de la République du Burundi, met en garde les déviants qui sautent en ces dix partis CNDD-FDD que le parti au pouvoir ne va plus tolérer ce qui s'est passé en 2015. On en revient longuement tout au début de ce journal. À la une également la célébration de la journée internationale de l'enseignant à Rumonge. Le gouverneur de cette province voudrait que ces derniers prennent le devant pour contribuer dans la préparation des élections de 2020. Notre correspondant au sud du pays nous en dira plus. Et en page agriculture, la culture du maïs est menacée par des chenilles légionnaires en province de Mngalo. Quant au directeur de la DPAI dans cette province, demande aux cultivateurs de donner leur contribution pour l'achat de ces produits phytosanitaires. Le reportage du jour nous mène en commune et province Makamba, où se remarque le travail des enfants dans le commerce ambulant. Voilà, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganilo, l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, les détails. La mise en onde est assurée par Jean Dodien de Isenga, à la présentation Evrard Havdiariman. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour et bienvenue encore une fois dans cette édition de ce dimanche. Je vous le disais tout au début de ce journal, le président de la République met en garde les déviants qui sont au sein du parti CNDD-FDD dans les cérémonies de la clôture de la semaine du combattant qui se sont déroulées ce samedi en province Chibitoki. Pierre Nkurunziza a indiqué que le parti au pouvoir ne va plus tolérer ce qui s'est passé en 2015. Il avertit qu'à partir de l'année prochaine, le parti va commencer à se séparer des déviants. Suivez plutôt Pierre Nkurunziza, il est traduit en français par mon confrère Joseph Sabiabandi. Qu'il n'y ait aucun des braves personnes qui dérapent. Si tel est le cas, il faut le redresser à temps. Ici, je connais certains parmi vous qui commencent à déraper. Que le parti soit vigilant pour les redresser. Qu'ils ne dérapent pas comme ce fut le cas en 2015 où nous n'avons pas été vigilants. Nous avons perdu le temps et l'argent à les conseillant dans l'esprit d'amour, mais c'était juste du temps perdu gratuitement. C'est pour cette raison que nous demandons aujourd'hui à tous les dirigeants du parti CNDD-FDD, moi-même y compris, que, comme je l'ai déjà dit, à partir de l'année prochaine 2018, nous allons afficher une tolérance zéro. Nous allons nous séparer des déviants à temps et bien à temps. Plus question de perdre le temps. Si nous les conseillons une fois, deux fois, trois fois, si ça ne marche pas, on va leur dire au revoir. Moi, je les connais, ces gens. Tu les conseilles une fois, deux fois, il y reste de marbre. Ce que nous faisons, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire de l'État et de la population qui s'est sacrifiée. Le sang a été versé. Des personnes et des biens matériels ont été perdus. Donc ce n'est pas le jeu. On ne peut pas jouer avec ça. Tous les déviants, au revoir. Plus question de revoir ce que nous avons vu en 2015, où les gens se sont rebellés à notre vue. Plus jamais ça. Maintenant, une fois, deux fois, s'ils ne se redressent pas, au revoir. Nous nous rencontrerons au ciel. Pierre Nkurunziza, le président de la République, est traduit en français par mon confrère Joseph Sabiabandi. Et sans transition, c'est ce dimanche le 19 novembre que le monde célèbre la première journée dédiée aux pauvres. Une journée qui a été lancée par le pape François. La situation de pauvreté est préoccupante au Burundi selon l'abbé Jean Bosco Ninunze, secrétaire général de l'ONG catholique Caritas Burundi, qui dit que le Burundi occupe la 184e place sur les 187 pays au monde. Il ne devance que trois pays, mais la Bénin nous estime que tout de même qu'il y a moyen de se relever. Je vous prie de l'écouter. Selon les sondages que nous avons faits auprès de nos communautés à la base, auprès des Caritas paroissiales, auprès des Caritas diocésaines, nous voyons que la pauvreté s'est accrue dans certaines catégories de personnes comme les vieux auprès des jeunes en chômage, auprès des personnes qui ont par exemple des maladies chroniques. On voit que ces gens n'arrivent pas vraiment à subvenir à leurs besoins. Et à la fin, c'est aussi la pauvreté qui s'est accrue dans les ménages, les fonctionnaires ou des entreprises privées qui reçoivent moins de 100 000 francs par mois n'arrivent plus vraiment à subvenir à leurs besoins. Et les provinces qui sont sur les frontières sont les plus touchées. Et on peut l'expliquer par le fait qu'il y a eu certaines instabilités et puis Rubanza, Chibitoke. Et je pense que c'est plus de 6 provinces. Les ménages qui n'ont pas un emploi assuré et même les ménages qui normalement pratiquaient l'agriculture, qui arrivaient à manger 3 fois par jour, ne le peuvent plus. Nous avons 187 pays dans le monde et le Burundi occupe le 184e poste. Il n'y a que 3 pays qui viennent derrière nous en termes de pauvreté. Et donc, nous sommes parmi les derniers. Alors que nous, vraiment, nous avons des potentialités, des possibilités de nous développer davantage. Pour vraiment quitter la pauvreté, ce n'est qu'une question de changement de mentalité. Et il suffit qu'on se dise, je peux me développer. Des aspects culturels à changer, des aspects démographiques qu'il faut corriger avec la volonté de nous tous. L'abbé Jean-Bosco Ninhunze, il est le secrétaire général de l'ONG catholique et Caritas Burundi, dont les propos ont été recueillis par Aubin Nyonghur. On va marquer une courte pause avant de parler les nouvelles des provinces. Isanganiro. Il est 13h03 à Bujumbura, 13h03 à Rumonge. Célébration ce vendredi à Rumonge de la Journée internationale de l'enseignant. Même si les enseignants disent vivre dans de mauvaises conditions financières, le gouverneur de Rumonge voudrait qu'ils prennent le devant pour contribuer dans la préparation des élections de 2020. N'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? Selon Samuel Manirakiza, qui s'est exprimé au nom de la famille syndicale des enseignants de Rumonge, cette journée internationale de l'enseignant est célébrée alors que l'enseignant vit dans de mauvaises conditions. Je voudrais signifier que l'enseignant, en son intégralité, il n'est pas du tout bien aisé. Pourquoi ? Parce qu'il vit une situation que nous avons appelée situation d'instabilité assise. Malgré ces conditions de vie décriées par les enseignants, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, les appelle à contribuer volontairement pour les élections de 2020, comme ils l'ont déjà fait pour la construction du bloc maternité à l'hôpital public de Rumonge. Pour Samuel Manirakiza, c'est de la pure politique. Oui, c'est une information peut-être purement politique. Mais sinon, financièrement, on ne saurait pas justifier ça. Lorsque nous créons que l'enseignant n'est pas bien rémunéré, l'enseignant a des problèmes de survie, l'enseignant a des problèmes de pouvoir gérer sa situation familiale, étant donné qu'il n'est pas à mesure de joindre les deux bouts du mois, et comment voulez-vous qu'il puisse financer les élections? C'est pas possible. Avec la contribution des enseignants, l'audit bloque est au stade de la construction de la charpente, selon le gouverneur de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. D'ici des 10 pays, Misago, nous nous rendons à l'ouest du pays. Le manque criant d'enseignants dans la province de Bubanza fait que beaucoup de bénévoles soient embauchés. Cela fait que les enfants soient obligés de payer des primes d'encouragement pour ces enseignants bénévoles malgré l'ordonnance ministérielle disant que l'enseignement fondamental est gratuit. De Bubanza, nous appelons notre correspondante Spes Caritas Kavanyana. À la direction communale de l'enseignement de Rukazi, par exemple, on a besoin de 100 enseignants à l'école fondamentale et plus de 25 au poste fondamental. Le directeur communal de l'enseignement précise que plus de 50 bénévoles sont déjà au service. C'est le même cas dans d'autres communes de cette province de Bubanza, où pas mal de bénévoles ont commencé le travail dès le début de ce trimestre. Et le salaire qu'on a appelé prime d'encouragement, qui est payé par les élèves, varie d'une école à une autre. Le montant est fixé lors d'un consensus entre les parents et les directeurs, comme l'indiquent les responsables scolaires contactés. À Mouyébé, par exemple, c'est en commune Moussigati, un élève paie 500 francs par trimestre. À l'école fondamentale de Rutake, en commune Rugazi, un élève doit donner 1000 francs par trimestre. En commune Gihanga, c'est entre 500 et 800 francs par élève et par trimestre, selon les parents que nous avons approchés. Ces derniers disent que, même s'ils sont associés lors de la fixation de cet argent donné aux bénévoles, le ministère de l'Enseignement, qui a sorti une ordonnance stipulant que l'enseignement fondamental et gratuit devait recruter des enseignants qui seraient payés par l'État. De la page éducation Kabanyana à présent, la page agriculture. La culture de maïs est menacée par des chenilles et légionnaires en province Sémgalou. Les cultivateurs indiquent que des sites médicaments contre ces lavagères ne sont pas rendus disponibles dans les meilleurs délais. La famine risque de les attaquer. Le directeur de la DPE dans cette province demande à ces cultivateurs de donner leur contribution pour l'achat de ces produits phytosanitaires. Laurent Dicoulillo. Les chenilles légionnaires qui menacent la culture du maïs en province Moaro ont commencé à attaquer ces cultures depuis la saison dernière avec la culture des marais vers le mois de juillet et août dernier. Selon certains cultivateurs de cette province, depuis le début de la saison culturelle en septembre dernier, ces ravageurs ont entamé les champs de maïs qui se trouvent sur les collines. Ces chenilles légionnaires s'installent dans la tige de la plante, ce qui entraîne au bout d'un certain temps l'assèchement des feuilles. Le directeur de la Direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en province Moaro, François Ninéletse, dit que ces chenilles légionnaires sont signalées dans toutes les 6 communes que compte la province de Moaro. Les cultivateurs de ces provinces disent que le médicament pour faire face à ces chenilles légionnaires n'est pas encore rendu disponible. À ce sujet, le directeur de la DPAE Moaro demande aux agriculteurs de se regrouper en association pour donner une contribution nécessaire à l'achat de ces médicaments. Il précise qu'un litre de ce produit peut convenir à pulvériser un champ d'un hectare de superficie et coûte 30 000 francs. Il précise que la culture du maïs joue un grand rôle dans l'alimentation de la population de cette province, car elle est l'une des principales plantes cultivées sur toutes les 3 régions naturelles qui composent cette province. Depuis moi, alors, Laurent Dicoulillo, Radio Isanganiro. Il est 13h09 à Bujumbura, 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Le carnet de ménage est obligatoire pour accéder à l'extrait d'acte de mariage, un document de plus qui augmente les dépenses de mariage, d'après certains habitants. Une pratique pour familiariser la population à la gestion de certains documents, d'après les agents des services d'état civil à Mouying. Les détails, c'est dans cette correspondance de Dieudonné Nzeiman. Pour contracter le mariage, l'inscription préalable au service d'état civil est une condition obligatoire et payante. Le site répond 10 000 francs d'inscription et du même coup, il verse 10 000 francs pour l'extrait de l'acte de mariage et 3 000 francs pour le carnet ou livret du ménage. Le carnet du ménage contient des informations de nature à faciliter l'encadrement et l'épanouissement dans le ménage. Une nouveauté d'après les agents des services d'état civil, mais pour certains habitants, c'est une formalité de plus. Exigence de nature à décourager les pauvres qui voudraient officialiser les réunions, surtout que dans les communes. Cette année, ça a été organisé des campagnes de régularisation massive de mariage. Pour Nicolas Tichara, coordinateur provincial des services d'état civil à Muyinga, les habitants devraient plutôt comprendre le bien fondé de se familiariser avec certains documents. Le carnet du ménage contient une identification qui facilitera le propriétaire l'accès aux services d'état civil, notamment en matière de documents tels les extraits. Je donne Zeymana Dominga pour la radio Isanganiro. À la source, reportage. Et le reportage du jour nous mène en commune province Makamba où se remarque le travail des enfants dans le commerce ambulant. Les organisations errantes dans le domaine de l'enfance et décrit la violation des droits de l'enfant, tandis que l'administration tranquillise que ce qui implique que ces enfants dans de tels travaux seront traduits en justice. Alain Désiré Boukeneza de retour de Makamba. Il s'agit d'un enfant qui pratique le commerce ambulant autour du marché central au chef-lieu de la commune et province de Makamba. Celui-ci a quitté le banc de l'école et vend, tant bien que mal, les arachides au profit d'autrui. Je vois ces arachides au profit de ma patronne du quartier Swahili. J'ai 15 ans. J'ai abandonné l'école faute de matériel scolaire. Je fais ce travail il y a 2 mois pour une rémunération de 15 000 francs par mois. Une petite fille de la première année de l'école primaire arrive avec un panier d'amarante sur sa tête. un panier qu'elle qualifie de plus lourd. Le propriétaire l'a rencontré en cours de route. Je porte sur ma tête un panier d'amarante. C'est pour cette patronne, je ne la connais pas. Elle m'a rencontré à Mounyale, elle va me payer de l'argent, mais ça pèse plus lourd. Le travail des enfants en province Makamba serait dû à la pauvreté qui règne dans certains ménages. Le représentant de la FENADEB, Fédération œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi, plaide pour la synergie des institutions œuvrant dans ce domaine en vue d'éradiquer ce phénomène. Il y a d'autres causes, mais la cause la plus primordiale, c'est la pauvreté. Pour éradiquer ce phénomène, nous voudrions quand même que nous puissions travailler en synergie, que ce soit les parents, l'administration et les acteurs de la société civile, d'essayer de stopper ce phénomène, puisque la place de l'enfant, c'est à l'école. L'administrateur de la commune Makamba, Jafet Nungwanayo, met en garde les récalcitrants qui engagent les enfants dans ces travaux qui seront traduits en justice. On a pris une décision comme quoi ils doivent arrêter ce petit commerce et plutôt retourner à l'école. On travaille en collaboration avec les comités mixtes de sécurité, mais aussi avec la police. On interpelle la justice à poursuivre ces parents qui exploitent les enfants qui ne sont pas à l'âge de travail. Et cette pratique de travail des enfants se remarque dans toutes les communes de la province de Makamba. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Oui, c'est sur ce site que vous nous captez depuis à l'arrêt la capitale zimbabwéenne. Manifestation historique au Zimbabwe pour en finir avec l'ère Mugabe. Des milliers de Zimbabwéens sont descendus samedi dans les rues pour exiger le départ de Robert Mugabe. Le dirigeant, place en résidence et surveillé par l'armée, qui a pris le contrôle du pays, a rencontré ce dimanche les chefs militaires. Des dizaines de milliers de Zimbabwéens sont descendus dans les rues hier pour exiger le départ du président Robert Mugabe, comme nous le lisons sur le journal Le Monde. Cette mobilisation historique est appuyée par l'armée qui a pris le contrôle du pays dans la nuit de mardi à mercredi, sans effusion de sang, et placé en résidence et surveillé le chef d'État de 93 ans au pouvoir depuis 37 ans. Il s'agit de l'une des plus grandes manifestations jamais organisées au Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Je cite, « C'est historique. Je n'ai jamais participé à un rassemblement politique de ma vie. Je n'ai jamais vu les gens aussi inhérés. » Fin de citation. A commenté une infirmière de 56 ans, Leslie Keifa, dans un concert de klaxons assourdissants et de vuvuzela dans Harare. Trop c'est trop, Mugabe doit partir. Repose en paix Mugabe, non à la dynastie Mugabe. Pouvait-on lire sur les pancartes brandies par des manifestations euphoriques, Feral, des Zimbabwéens blancs étaient aussi présents. Et voilà, c'est à 13h15 que nous mettons un point final à ce journal. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à Jean-Dodie Ndaïsenga pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Evrard Havdialimana. Et ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent sur Isanganiro.